encore une fois. Et tu seras mon roi. Dis-moi quoi tu penses avec ces yeux qui dansent. Tu viendras ce soir. Si tu veux jouer, tu devrais m'écouter. Dis-moi s'il te plaît. Nous sommes tous les deux ensemble dans les jeux. Je le vois dans tes yeux. Je suis fan de toi. Ce soir tu es mon roi. La vie est belle comme ça. Dis-moi encore une fois. Et tu seras mon roi. Si je suis dans ton cœur avec tout ce bonheur, toujours ta petite fleur. À mes couleurs à mille, je dois entre mes cils. Maintenant je dors tranquille. Je pense jour et nuit de te voir aujourd'hui avec moi sur mon lit. Ensemble toute la vie, ensemble nous ici. La vie est trop jolie. Dis-moi encore une fois. Tu restes avec moi. Si c'est toi et moi pour toute la vie, je te dirai oui. Dis-moi encore une fois. Et tu seras mon roi. Une fois.